les aimer, sur de pas les en décoller, et plus profond les enfoncer. Voir l'âme des roses s'envoler, et ne rien faire pour les aider, sur de pas les en décoller, et plus profond les enfoncer. Secouer pourrait aller.